saluons chacun de vous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Tunasalimia kila mmoja wenu mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous saluons en même temps les frères et les sœurs qui sont en ligne. Tunasalimia vile vile wandugu na wadada wengi kutufuata kwa njia ya internet. Nous vous prions de vous lever pour la lecture de la parole. Na tunamsi mupate kusimama njoo kusoma neno la Mungu. Dans Exode au chapitre 2, Kutoka sura ya pili, dans son verset 23 à 25, mstari yake makumi mbili na tatu kufika makumi mbili na tano, notre Père céleste, Baba yetu uliye mbinguni, avec reconnaissance nous te disons merci. Na shukrani yote tunakupigia asante. Depuis ce matin, les frères et les sœurs étaient ici. Tangia asubuhi ya leo wanduku na wadada walikuwa pa hifadhi. Chacun à sa manière t'a exposé ses problèmes. Kila mmoja mnamna yake alikuonesha mambo yake. Ses difficultés. Magumu yake. Et le désir de son cœur. Na nia ya moyo wake. Toi tu es le Tout-Puissant. Wewe uko Mwenyezi. C'est toi qui as dit ne crains rien. Ni wewe ulisema usiogope kitu. Réponds à chaque prière. Ujibu kwa kila ombi. Pour que notre joie soit parfaite. Ili furaha yetu ipate kwa kamilifu. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Ubariki mtumishi wako ulitumia. Bénis chaque pied qui a conduit, qui a marché jusqu'à ce lieu. Ubariki kila mugu ilitembea na kufika pa hifadhi. Seigneur, que nous voulons encore continuer à écouter ta parole. Bwana, si hapa tunapenda tena kuendelea kusikia neno lako. Nous te prions de nous ouvrir. Tunakusi upate kutufungua. L'esprit afin que nous puissions comprendre les écritures. Roho ili tupate kuelewa maandiko. Seigneur, merci en tout. Bwana, asante katika maneno yote. Viens parle à nos cœurs. Uje na useme na mioyo yetu. Et guéris nos âmes. Na uponye manafsi zetu. Conduis-nous du début à la fin. Utuongoze tangia mwanzo hadi mwisho. Que ta bénédiction repose sur nous. Baraka yako iwe juu yetu. Bénis ta parole que nous allons lire. Bariki neno lako tutasoma. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Jina la Bwana Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Exode au chapitre 2. Kutoka sura ya pili. Verset 23 à 25. Mstari ya makumi mbili na tatu mpaka makumi mbili na tano. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Na kisha masiku mfalme wa Misri akakufa. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, akakumbuka agano yake alifanyaka na Ibrahimu, avec Isaac, na pamoja na Isaka, et Jacob, na Yakobu. Dieu regarda les enfants d'Israël, Mungu akatazama watoto wa Israeli, et il a eu compassion, na akakuwa na huruma juu yabo. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka yake njoo usomie neno. J'aime attirer l'attention de chacun de vous. Napenda kuvuta angalisho kila mmoja wenu. Ne suivons pas cet enseignement. Tusifate imafundisho comme dans une école théologique. Sawa kumasoma kujifunza tu kujua Mungu. Tout ce qui est dit yote imesemewa a un objectif. Iko na kifukuzio. Tout ce qui est dit yote iko nasemewa a une signification. Iko na maana yayo. Si nous prenons l'Ancien Testament, kama tunabeba agano za kale, c'est avec un objectif précis. Ina kifukuzio kia msingi, c'est pour prendre les ombres, njua kubeba bimvuri, les types de l'Ancien Testament, mapicha ya agano za kale, qui annonce la vérité ou la réalité dans le Nouveau Testament. Ina tangaza ukweli ile inokanikanisha agano za kijipya. Si vous êtes incapable de saisir kama una uwezo wa kushika les types de l'Ancien Testament, mapicha ya agano za kale, il vous sera difficile. Itakuwa nguvu d'expérimenter la rédemption upate kuonja ukombozi wokovu. C'est pourquoi suivez très attentivement comment mufate na utaratibu sana, comme je l'avais déjà dit autrefois. Sabe ni kwamba nimesema zamani, chaque terme que le Saint-Esprit utilise ila msemo ile Roho Mtakatifu anatumia a une signification, iko na maana yayo. Et nous écoutons toutes les choses, non pas pour avoir une simple connaissance, mais ces choses nous sont révélées pour nous conduire à la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, nous avons parlé de la souffrance d'Israël. Et nous vous avons dit ceci. Celui qui n'a jamais souffert dans sa vie ne peut jamais comprendre et ne peut jamais apprécier le rachat. Nous vous avons encore dit que le salut concerne ceux qui souffrent, ceux qui sont persécutés, opprimés, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont sous la domination, dans l'esclavagisme, ceux qui sont sous la dictature, des gens qui ont perdu la liberté. Voilà les gens qui apprécient le salut, qui apprécient le rachat et qui ont besoin du salut. Ça, c'est la pensée maîtresse de tout ce qu'on a dit hier. Comme Israël était d'abord libre, Israël kwanza, il était dans son territoire. Alikuwa mbulongo yake. À cause de son péché, yake, il est allé en Égypte. Akaenda mu Misri. Et de l'Égypte, na toka au Misri, il était sous la domination de Pharaon. Mule, alikuwa chini ya utawala ya Pharaon. Et en Égypte, na mule mu Misri, il fut opprimé. Akakua, bana musonga sana na mateso. Il avait beaucoup souffert. Aliteswaka sana. Il était persécuté. Bali muteswa. Et la liberté lui fut ôtée. Na uru, baka mnyanganya ayo. Et nous sommes venus ici en Exode. Na tukakua mwikitabu wa kutoka. Où Dieu a vu ses souffrances, mule Mungu aliona imateso, l'oppression de ses ennemis, kusongwa na badui yake, la persécution, mateso mkubwa, la domination par méchanceté, utawalo ya roho mbaya, la liberté perdue, uhuru kupoteza, où Israël, mule Israeli, n'avait pas le droit, asikuwe na halali, n'avait pas la liberté, asikuwe na uhuru, d'agir comme il voulait, yaye kutenda vile alipendaka. Il faisait la liberté, il faisait la volonté de se mettre ya wale wanaweza kuwatawala. Et pourtant Israël, japo Israeli, était le peuple de Dieu, alikuwa ndio taifa ya Mungu. Ayant perdu la liberté en Égypte, comme Israël est le peuple de Dieu, les enfants de Jéhovah, Jéhovah envoyant sa souffrance, envoyant son oppression, envoyant la dictature avec laquelle il était opprimé, Dieu lui-même a pris la résolution akabeba mpango de descendre en Égypte, yaye kushuka ku Misri, pour libérer son peuple, kuja kukombola taifa yake. C'est pourquoi ici dans l'écriture, apa, andiko, ils étaient sous la servitude, balikuwa mubutumwa, ils poussaient les cris amers malalamiko de la souffrance ya mateso, Il gémissait. Mais Dieu se souvint de son alliance. L'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Agano, il na Ibrahim, avec Isaac, avec na Jacob. Na Jacob. Et quand il vit les enfants d'Israël, na wakisha Mungu kuona watu wa Israeli, sous la domination des Égyptiens et des Pharaons, ya batu wa Misri na Pharaon, il eut compassion d'eux. Akakuwa na huruma juu yabo. C'est pourquoi il envoie Moïse. Ndio kwa maana anatuma Musa na kusema hivi, je suis descendu, nilishuka, pour les délivrer, juu kubakomboa, que Dieu vous bénisse. Mungu apate umibariki. Dans Somme, Zaburi, au chapitre 72. Sura makumi saba na mbili. Dans son verset 14. Mstari ya kumi na ine. Nous pouvons même commencer au verset 12. Yesu kwanza ta mstari ya kumi na mbili. Car l'Éternel délivrera le pauvre qui crie. Kwani wa milele atakombola maskini mwenye kulalamika. Et le malheureux qui n'a point d'aide. Na waole ule anakosa msaada. En Égypte. Mumisri. Israël n'avait pas d'aide. Israël achukwe na msaada. Aucune nation sur la terre. Akuna ta inchi mo pa dunia. Aucun homme sur la terre ta muntu moya pa dunia, ne pouvait les secourir parce qu'ils étaient sous la domination chini ya utawalo, de quelqu'un qui était fort que. Ya muntu wa nguvu kuliko bo. Et Dieu du ciel, na Mungu wa mbingu, en voyant leur gémissement, kuona kuugua kwabo, la pauvreté dans laquelle umaskini, il fut plongé, tumbukiza, il fut rendu malheureux, fanya, sans maore, aide, bila msaada, j'ai eu compassion d'eux. Et le verset 13 dit, na 13 nasema, il aura pitié du misérable na uruma, wa ole, et de l'indigent. Na mutu maskini mnyonge, et il sauvera la vie des pauvres. Ataokoa uzima ya wa maskini, il les affranchira atawafanya kwa uru, de l'oppression toka kusongwa, et de la violence. Na ukali, et leur sang aura du prix à ses yeux. Na damu yabo itakuwa na bei mbele ya macho yake. C'est vrai frère. Ibia kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ibia kweli dada yangu. Dieu du ciel. Mungu wa mbingu. A eu compassion d'eux. Akakuwa na huruma juu yabo. Il prit la décision. Akabeba mpango. De les affranchir. Ya kufanya huko huru. De l'oppression. Mateso. Et de la violence. Na ukali. Des Égyptiens. Ya watu wa Misri. Dans Jérémie au chapitre 31. Jérémie sura makumi tatu na moja. Jérémie chapitre 31. Jérémie sura makumi tatu na moja. Dans son verset 11. Mstari yake ya kumi na moja. Car l'Éternel rachète Jacob. Kwani wa milele anakomboa Yakobo. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Anamkomboa kumukono ya mwenye kuwa na nguvu kumuliko yeye. Dans Jérémie au chapitre 50. Jérémie sura makumi tano. C'est vrai. Bia kweli. Israël était en difficulté. Israël alikuwa magumu. Dans son verset 33. Mstari makumi tatu na tatu. Jusqu'au verset 34. Hata makumi tatu na ine. Ainsi par l'Éternel des armées. Hivyo amile ya majeshi amesema. Les enfants d'Israël batoto wa Israeli, et les enfants de Judas, na batoto wa Yuda, sont ensemble opprimés. Bote pamoja bana bateswa. Tous ceux qu'ils ont amenés en captivité les retiennent. Bale bote bale bapeleka mubutumwa bale bashika mubutumwa. Et refusent de les relâcher. Na wanakatala babati batoke be uru. Mais leur vengeur est puissant. Lakini wakulipisha kisasi yabo eko wa nguvu. Leur rédempteur est puissant. Mukombozi wabo ko wa nguvu. Leur parent rédempteur est puissant. Mzazi wabo mukombozi ko wa uwezo. Lui dont les ténèbres des armées est le nom. Yeye ule jina lake ni wa milele wa majeshi. Il défendra leur cause. Atakombania njwa mambo yabo. Afin de donner le repos au pays. Njwa kuleta mapumziko ku inchi. Et de faire trembler les habitants de Babylone. Na kutetemesha wakaji wa Babiloni. Voyez bien mes frères. Naona wanduku wapendwa. Voyez bien mes sœurs. Naona dada mpendwa. Quand quelqu'un souffre cruellement, wakati mtu anateswa kabisa kabisa, il a besoin de la compassion. Eko lazima na huruma. De celui qu'il aime. Ya ule mwenye kumpenda. Il a compassion de son prochain. Eko na huruma ya jirani wake. Oui bien mes frères. Ndio nduku mpendwa. Oui bien mes sœurs. Ndio dada mpendwa. Et Israël Israeli, était une partie de Dieu. Alikuwa ni sehemu ya Mungu. Dieu ne pouvait pas accepter qu'il soit opprimé éternellement. Apate kuendelea kumuteswa milele. Oui bien aimé frère. Dieu nduku mpendwa. Oui bien aimé sœur. Dieu dada mpendwa. Dieu eut compassion Mungu de lui. Akakuwa na huruma juu yake. Dans Job au chapitre 6. Yobo sura 6. Dans son verset 4. Mstari ya 4. L'écriture dit, nasema, celui qui souffre ule kuna teswa, a le droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Même si Israël avait péché contre Dieu, avait haï leur frère, commençait à se comporter comme les païens, il avait manifesté de la méchanceté parce qu'il avait abandonné la loi de l'Éternel. Même s'il avait abandonné la loi de l'Éternel, il s'était comporté comme les restes du monde. Mais l'Éternel, lakini wa milele, qui était leur ami, avait quand même compassion d'eux. Il eut quand même compassion na de ce peuple qui gémissait sous son ennemi. Chini ya utawalo ya adui wake. Oui bien mes frères. C'est lui qui souffre. Mwenye ko nateswa, a le droit à la compassion de son ami. Eko na rusa ya huruma ya rafiki yake. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Hata kama kisika mkuacha woga ya Mwenyezi. Oui bien mes frères et sœurs. Ndio nduku na dada mpendwa. C'est ce qui est arrivé à l'homme. Ndio ile ilimfikia mtu. Parce que ces choses que nous vous parlons ici sont des types qui annonçaient le rachat que Dieu devait accomplir sur l'homme. Dieu a commencé depuis l'Ancien Testament à révéler ses plans à l'humanité, comment il devait s'y prendre pour rétablir l'homme dans sa position première après sa chute. Même si Adam avait péché, Adam et avec lui toute sa progéniture, yake yote, toute sa semence yake yote, est tombée avec lui. Elle est tombée sous l'oppression de son ennemi ya utawalo ya makali, ya et de l'ennemi de Dieu. Na adui mwenye kwa wa Mungu. Maintenant l'ennemi de Dieu qui adui wa est Mungu, Satan mwenye kwa shetani, avait pris tout le contrôle de l'homme ongozi yote et de ya la mutu, descendance de l'homme na uzao ya mutu, mais son créateur mumbaji wake avait pitié de lui. Akakuwa na huruma njuu yake. Il eut compassion de lui. Akashikwa na huruma. Il l'avait vu depuis longtemps. Alimuona tangia zamani. Comment l'homme souffrirait. Namna gani mtu aliwezi kufa. Comment il serait opprimé. Namna gani aliwezi kusongwa. Comment il serait appauvri. Namna gani aliwezi kufanywa kwa maskini. Comment il crierait. Namna gani aliwezi kulalamika. L'homme qui est né de la femme. Mtu aliyezaliwa mwanamke. Il naît dans ce monde. Iko nazalikia mwi dunia. C'est pour souffrir. Ni ya kuteswa. C'est pour être maltraité. Ni kupata kumtendea mubaya. Et opprimé par les démons. Na kuteswa na mapepo mchafu. Mais depuis longtemps, par sa prescience, en voyant la condition malheureuse dans laquelle l'homme passerait, il a déjà promis la semence de la femme. C'est pourquoi il dit depuis la Genèse, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. tous ces types ici, mapita yote hii, annonce tangaza, ce que Dieu lui-même accomplirait sur l'homme. Allez, pas optimiser, oui, bien-aimé frère. Dio nduku mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Dio dadangu mpendwa. Israël en est le type. Israël na ni picha tu. En allant en Égypte. Mukwenda mu Misri. Il a perdu. Akapoteza. Il a quitté la terre de bénédiction. Alitoka mu bulongo wa baraka. Dans laquelle il avait toutes les promesses de Dieu. Mulele kwaka na maadi zote za Mungu. Dans laquelle il jouissait de toutes les bénédictions. Mulele kwa na furahiwa na mabaraka yote ya Mungu. Lui-même s'était jeté. Yeye alijitupa. Dans la gueule du lion. Mukinyo ya simba. Dans la gueule de l'ennemi. Mukinyo ya adui. Voyez bien mes frères. Unaona nduku mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Il a souffert terriblement. Akateswa sana. Il a été opprimé. Bale muteswa. C'est pourquoi sur cette terre. Tuko na pai dunia. Nous souffrons. Tuko na teswa. Comme le Saint-Esprit nous l'a dit. Kama Roho Mtakatifu tulisa jana. Il n'y a aucune créature. Hakuna kiumbe hata kimoja. Qui a souffert sur cette terre. Bale kiteswa pai dunia. Comme l'homme. Sawa mutu. Imichi, les arbres, les oiseaux, nyama, les bêtes, bulongo, la terre, samaki, les poissons, iko na teso ni juu ya mtu, à cause de l'homme. Ni mateso ya mtu, ce sont les souffrances de l'homme. Inamwangika, qui se sont répandues, inaenda kuvamba na kumayumbile ingine, d'autres créatures. Voyez bien mes frères. Naona wanduku wapendwa. Mais Satan visait l'homme. Lakini shetani anaanza kufukuzia ni mtu. C'est vrai frère. Ni bien kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni bien kweli dada yangu. C'est pourquoi quiconque naît. Kama yeyote amezaliwa. Il naît dans le péché. Iko nazalikia muzambi. Il est conçu dans le péché. Anatungwa muzambi. Il naît dans le péché. Anazalikwa muzambi. Il vit dans le péché. Anaishi muzambi. Il voit le péché comme de l'eau. Sawa maji. C'est vrai. Ni bien kweli. C'est la condition dans laquelle nous sommes. Jo ali mule tunapatikani yamo. C'est pourquoi Dieu nous a promis la délivrance. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Et quand la parole de Dieu vient maintenant, la parole de Dieu a une seule mission. C'est de délivrer nos âmes de ce siècle mauvais qui est sous la domination qui est chini ya utawalo, du Dieu de cet âge mauvais. Ya ukamungu kwa hiki kizazi kibaya. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada yangu. Si Christ est venu, kama Kristo alikuya, pour verser son sang, ndio kumwanga damu yake, c'est pour nous délivrer, ndio kutukombola, de la main de plus fort que nous. Kumukono ya ule mwenye kuwa wa nguvu kutushindia shie. Il n'y a aucun homme. Hakuna ta mtu moja. Il n'y a aucune femme. Hakuna ta mwanamke hata moja. Qui pouvait délivrer. Kuna aliwezi kukombola. Un homme. Mutu. Ou qui pouvait se délivrer wala lui-même. Wala wakueza kujikombola ye mwenyewe. De la main de Satan. Kumukono ya shetani. Non bien aimé frère. Hapana nduku mpendwa. Non bien aimé sœur. Hakuna dada mpendwa. Il fallait qu'il y ait un acte divin. Il passe à couer tendo moi et à mungu et mnyewe pour nous délivrer de la mort. Jaku tukombola kulufu du péché. Uzambi de la domination de l'ennemi. Utawalo ya adui. Comme nous le voyons yona, à la sortie d'Israël de l'Égypte. Kutoka kwa Israël mu Misri. Dieu dit à Moïse. Mungu anasema na Musa. L'une main puissante. Kwa mkono wa uwezo. Forcera Pharaon, il t'a mukaza Pharaon à laisser aller les enfants d'Israël. C'est vrai frère. Il faut une main puissante de Dieu. Il n'a pas sa mkono wa uwezo wa Mungu pour arracher chacun de nous. Jua kunyanganya kila mmoja wetu entre les mains de Satan. Mikono ya shetani. Entre les mains de démons. Mikono ya mademona. Entre les mains de du diable. Mikono ya diabolo. L'église est avec moi. Sans l'intervention divine, bila msaidizi ya Mungu, aucun homme ne peut être délivré du diable, des démons et du péché. C'est vrai frère. C'est pourquoi Paul parle en parlant aux Galates. Il est dit ceci. Dans Galates au chapitre 1, verset 1 à 4. Paul, apôtre, non de la part des hommes, apana kwa upande wa watu, ni par un homme, wala kwa njia mutu, mais par Jésus-Christ, lakini kwa njia Yesu Christo, et Dieu le Père, na Mungu Baba, qui l'a ressuscité des morts, qui l'a mfufula toka wafu, et tous les frères na wanduku wote, qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Wale walikuwa pamoja nami, makanisa, que la grâce et la paix neema na amani, vous soit donnée de la part de Dieu le Père kwa upande wa Baba et de notre Seigneur Jésus-Christ, na Bwana wetu Yesu Christo, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du siècle afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Vous voyez bien mes frères, voyez bien mes soeurs, si le Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même comme rançon à cause de nos péchés, c'est pour nous arracher du présent siècle mauvais. C'est vrai. Selon la volonté du Père. Parce que la volonté du Père, la volonté de Dieu, est que tout le monde soit sauvé. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Dieu veut que nous soyons délivrés. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Moïse. Comme Dieu avait envoyé Moïse en Égypte pour délivrer Israël entre les mains de Pharaon, pour nous arracher du péché et entre les mains du diable, Dieu a envoyé Jésus-Christ qui lui a payé le prix du rachat pour que toi et moi nous soyons libérés de tout péché. C'est vrai, frère. Dans Colossiens au chapitre 1, c'est ça l'objectif de la venue de Christ. C'est ça l'objectif de l'évangile. Dans Colossiens au chapitre 1, dans son verset 12 jusqu'au verset 14, rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En qui nous avons la rédemption et le pardon du péché. Vous voyez bien mes frères, voyez bien mes soeurs, c'est Jésus, c'est la grâce de Dieu, c'est le sang de Christ qui nous a rendu capables d'avoir part ou de retourner à l'héritage que Dieu avait promis à tous les saints dans la vérité, dans la lumière, dans la vie. C'est vrai, frère, celui qui, lorsque nous croyons, il nous délivre de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan, et il nous transporte, voyez, dans le royaume de son Fils, son Fils bien-aimé. Il nous met en Christ. Voyez bien mes frères, parce que c'est en Christ où nous avons la rédemption. Vous voyez, où le rachat est accompli. Et c'est en Christ où nous avons le pardon des péchés. Oui bien mes frères, oui bien mes soeurs. C'est ça le travail que Dieu est allé faire en Égypte. Voyez bien le même en envoyant Moïse. C'est le même travail que Dieu a fait en envoyant Jésus dans ce monde. C'est pour nous arracher de l'oppression des démons et du diable, de la domination de tout péché, de tous les démons. Voyez bien mes frères. Et après que nous soyons délivrés, il nous rétablit dans la position, dans notre position de bénédiction, dans notre terre de bénédiction. Quand Dieu a envoyé Moïse et qu'il a délivré Israël, il ne l'a pas laissé en Égypte. Il a pris de l'Égypte, il a traversé le désert et il l'a amené dans le pays. Il a retourné dans son pays de promesse. Il a retourné en Canaan. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Pourquoi Dieu a, nini? Dieu a fait cela? Dieu ne veut pas que ses enfants soient esclaves ni des démons ni d'un homme. Dieu ne le veut pas. C'est vrai, frère. C'est pourquoi dans Lévitique au chapitre 25, dans Lévitique 25-55, il dit ceci: après ça, quand il délivre ses enfants, il dit ceci: car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. J'aime que vous tirez attention ici. Quand Dieu est descendu pour délivrer Israël entre les mains de Pharaon, il ne l'a pas délivré pour laisser Israël libre. Non. Il a sorti Alimutosha comme esclave sous la domination de Pharaon. Il a récupéré, akamubeba, il l'a mis en Canaan pour qu'Israël soit son esclave. Yake yeye. C'est vrai, frère. Nduku. C'est vrai, ma soeur. Kweli dada yangu. Quand Dieu nous délivre, Mungu anatukombola de la main du diable, des démons et du péché, il ne nous laisse pas libres pour que nous puissions agir kutenda, ou vivre comme nous voulons. Il nous quitte entre les mains du diable, dans l'esclavagisme de l'ennemi. Il nous amène maintenant dans le pays de la promesse, dans la parole, muneno, en Christ, pour être esclave de Dieu lui-même. Mungu ye mwenyewe. Vous voyez, unaona, dans le monde, dunia, nous faisons la volonté du diable. Mais en Christ, dans la parole, neno, là nous faisons la volonté de notre Dieu. Ya Mungu wetu. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé sœur. C'est pourquoi mana, il est dit, banasema hivi, Jésus a dit, Yesu alisema, venez à moi, ujeni kwangu, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, fatigués, je kuchoka, vous donnerai du repos. Lisons un peu cette écriture. Dans Matthieu au chapitre 11. Vous voyez bien de mes frères. Le rachat est pour les gens qui sont fatigués. C'est vrai. Qui sont opprimés, qui sont chargés par l'ennemi, les gens qui souffrent, les gens qui gémissent, les gens qui sont fatigués par des travaux, vous voyez, que leur charge, leur oppresseur, oui bien aimé frère, oui bien aimé sœur, celui qui est chargé, fatigué, Tuiko na biziko na anachoka. Il est fatigué par le travail. Anachoka na makazi. Voyez de l'ennemi. Ya adui. Parce que quand Israël était en Égypte. Wakati Israël alikuwa kama Misri. Pharaon a dit. Pharaon alisema. Qu'on les charge du travail. Watuiki makazi. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Nous avons lu cette écriture. Tulisoma ile andiko. Israël était chargé. Walimutuika. Pour faire le travail. De la terre, de l'argile, fabriquer des briques, aller chercher de la paille, cuire des briques, sous le fouet, avec cruauté, sous la méchanceté, c'est vrai. Sous l'humiliation. Israël n'avait rien à dire. Israël était à Kusema. Ce travail les avait complètement fatigués. Ils étaient chargés. C'est pourquoi ils gémissaient. C'est pourquoi ils criaient. Ils cherchaient un rédempteur. Mais personne ne pouvait venir à l'aide. Parce que celui qui les dominait était plus fort qu'eux. Voilà pourquoi les secours est venu de du ciel. Comme pour Israël, notre secours aussi vile vile nous vient du ciel. Yetu, c'est vrai frère, c'est vrai ma soeur. Matthieu au chapitre 11, dans son verset 28 jusqu'au verset 30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigué et chargé. Na benye kulemewa, si quelqu'un n'est pas fatigué du péché, asichoke zambi, ayachoka kutumikia shetani, il n'est pas fatigué de servir le diable, il n'a pas encore senti le poids du péché, kuya kwa Yesu. Il sera difficile de venir à Christ. C'est vrai frère, il y a quoi l'induku. Jésus est clair, Yesu ko wazi. Il dit moi vote. Benye kuchoka, qui est fatigué, na benye kulemeo, et chargé, mukuye kwangu, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Na mite mpatia mapumziko. En Égypte, au Misri, Israël n'avait pas du repos. Israël a chukua mapumziko. Voyez bien mes frères. Il était sous le gémissement. Alikuwa mukugua. Prenez mon joug. Bebe nira yangu. Sur vous. Yulu yenu. Recevez mes instructions. Mpokee mafundisho yangu. Car je suis doux. Kwani niko wa pole. Humble de cœur. Na mnyenyekevu wa moyo. Et vous trouverez le repos. Na mtapata mapumziko. Pour vos âmes. Juu ya manafsi zenu. Car mon joug est doux. Nira yangu ya upole. Et mon fardeau est léger. Na mzigo yangu ni ya upepelo. Ça c'est vrai. Ii ni bia kweli. L'église est avec moi. Et kanisa iko pamoja nami na nifuata. Frère. Nduku. Étant chez Satan. Benye kwa kwa Shetani. Quand vous l'obéissez. Wakati unamutii. Vous êtes un esclave. Uko mtumwa. Vous êtes sous l'esclavagisme. Suivez-moi très bien. Uko mvutumwa. Nifuate mzuri. Quand vous quittez Satan, wakati unamwacha Shetani, Dieu vous délivre, Mungu anakukombola, de la main de l'ennemi, kumkono ya adui, vous venez encore à lui, unakuwa tena kwake, il vous met aussi, na yeye anakuweka, sous son esclavagisme, chini ya butumwa yake. Comprenez-vous cela? Eti munaelewa? Mais regardez la différence. Lakini tazameni atanisho, napenda mpate kuona hilo. Sous Pharaon, chini ya utawala wa Pharaon, avec Israël. Na Israeli. Ou sous Satan. Voilà chini ya Shetani. Sous le diable. Chini ya utawala Shetani. Avec nous. Na chie. C'est une domination. Ni utawalo. Avec méchanceté. Na ukali. C'est par méchanceté. Ni kwa ukali. Et avec méchanceté. Na rombaya. C'est une domination. Ni utawalo. Avec cruauté. Ndio nafanyika na roho mbaya na ukali. Avec oppression. Na kusongwa sana na kuteswa. Avec violence. Na ukali. Sous Satan. Chini ya utawala Shetani. Vous êtes un esclave dominé. Wewe uko mtumwa wa utawala na chuki. Par mépris. Kwa kadharau. C'est vrai frère. Ndio kweli nduku. Satan vous domine. Shetani wana kutawala. C'est pour vous humilier. Ndio kukufezeresha. C'est pour vous détruire. Ndio kuharibu. C'est vrai frère. Ndio kweli nduku. Satan vous domine. Shetani wana kutawala. C'est par force. Ndio kwa nguvu. C'est par contrainte. Kwa mkazo. C'est vrai frère. Ndio kweli nduku. Tu le fais pas volontairement. Wewe ufanye kwa kipendaro yako. C'est vrai frère. Ndio kweli nduku. C'est pourquoi. Ndio kwa maana. Paul a dit en Rome. Paulo alisema wa Roma. C'est que le bien mema le bien, bizuri, je le fais. Mina bijua. Lakini, cela n'habite pas en moi. Il aina ndani yangu. Chaque fois que je vais faire le wakati bien, napenda kutenda mema, le mal s'impose. Bubaya bunanikazisha. Je fais le mal. Na mimi nafanya bubaya. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Sur cette terre, pa hii dunia, sous la domination de l'ennemi, le diable, Shetani, nous sommes dominés par force, kwa nguvu, par contrainte, kwa mkazo, c'est vrai frère, ya kweli nduku, pourquoi? Jua nini, parce que Satan, Shetani, veut nous anéantir, anapenda kutushusha, il veut nous rendre malheureux, anapenda kutufanya waole, et la finalité, na mwisho ya yote, dans tout ce que Satan fait, na Satan anafanya, que ce soit pour Israël, juu ya Israeli, que ce soit pour nous aujourd'hui, leo, il veut nous tuer. Anapenda njoo kutua. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada yangu. L'église est avec moi. Et kanisa kunifuata. Quand on est esclave, wakati uko mtumwa, sous Satan, chini ya utawala ya Shetani, chini ya utawala wa Pharaon, Satan, Shetani, qui est le Pharaon d'aujourd'hui, mwenye kwa Pharaon wa leo, domine avec méchanceté. Iko na utawala na roho mbaya. C'est un homme qui n'a pas pitié. Ni mtu asio huruma. Il n'a pas pitié. Ana na huruma. De ses serviteurs. Ya watumishi yake. C'est vrai frère. Ndio kweli nduku. Et réellement Satan n'a pas pitié. Na hakika kweli Shetani ana na huruma. Njoo abatumishi yake. Regardez les gens qui servent le diable. Satan les protège. Le diable, Satan ashbalinda pana sur akinge. Mufumu ataweza kumtumikia kana. Le devin peut utiliser des années. Ana mutumika malaria. Et lui donne une maladie. Et le devin meurt. On commence à être dans le tourment. Unaona? Regardez les souffrances. Atabale benye banejita kusema. Même ceux-là qui s'appellent nous sommes les serviteurs du diable. Satan ashibarandre. Le diable ashbafanye kwa baeri. Unaona? Ce sont des gens sana qui souffrent tant. Ouais, bien, mes frères. Non, on a tout. C'est un méchant. Il n'a même pas pitié de ses serviteurs. Voyez, il les domine avec cruauté. Ana watawala na ukali. Ouais, bien, mes frères. Non, on a tout. Il les méprise. Ana babeula na bazarau. Satan, Shetani, même ses serviteurs. Ana chukia ta watumishi yake. Il les opprime. Anabasongwa, anabateswa. Oui, bien aimé frère. Dio, ndugu mpendwa. Sida, il se marque à ce moment. Le Sida ne dit pas que. Non, dis-le, ouais, ou qu'on doumba. Comme toi, tu es prostitué. Savez-vous qu'on a kabou la Sida. Étant donné, quand tu distribues le Sida. Alors, ouais, ou t'as quoi en paix. Tu contamines les autres et tu seras en paix. Ça, ce n'est pas Satan. Ah, il n'a jamais vu le Shetani écho. Parce que Satan. Du Shetani est. Détruit même les vases. Et qu'on arrive à ta viombo, viombo. Il utilise. Bile, on a tout mis. Voyez bien mes frères. On a un tout compris. Il est malheureux. On a pas n'y a olé. Même ses serviteurs. Il va les conduire à la mort. On a peine de m'appeler Kagulufu. Oui bien mes frères. Dieu un tout compris. Satan. C'est un homme sans pitié. Il est mutu à ce qu'on a ruma. L'Église est avec moi. Est-ce qu'un autre est fata? Quand quelqu'un accepte mutu, de servir Satan, Shetani, regardez d'abord Basharat, les adultères, regardez les ivrognes. Mwangarie, regardez, bakufuta ntumba, les fumeurs, mwangarie, observez, bakufanya madawa, ceux qui commettent les fétiches, observez, tout homme qui se dit, que moi, je suis serviteur du diable, ce sont des hommes et des femmes, qui ne sont pas errés, même les choses de ce monde ici, ils n'en bénéficient pas. Parce qu'ils sont au service des méchants, ya muntu mubaya. Voyez bien mes frères. Naona wandugu wapendwa. Il n'y a pas de récompense. Hakuna malipo. Pour celui qui sert Satan. Kwa yeyote mwenye kumtumikia Shetani. Voyez bien mes frères. Naona wandugu wapendwa. La récompense malipo de Satan, ya Shetani. C'est la mort. Ni lufu. 1.3. Inaishia pale. Ah, celui qui obéit à Satan. Kwa ule wote mwenye kumtii Shetani. La récompense. Malipo yake. C'est la mort. Ni lufu. Oui bien mes frères. Ndio ndugu mpendwa. Oui bien aimé sœur. C'est pourquoi les enfants de Dieu aiment la domination de Christ. Ya Christ. Vous voyez bien mes frères. Naona nduku wapendwa. Pourquoi nous aimons la domination de notre Dieu. Na Mungu wetu, la domination de Jésus Christ. Kutawaliwa na Yesu Kristo. Sous Christ. Chini ya Christ. Christ nous domine. Christ avec amour. Na mapendo. Christ nous domine. Christ avec compassion. Na huruma. Christ a pitié Christ de nous. Na huruma juu yetu. Il a pitié na huruma de ceux qui le servent. Na wale wenye kumtumikia. Christ, Christo, nous domine avec, avec douceur, na upole, avec bienveillance, na moyo mwema, c'est vrai frère, bia kweli nduku, c'est vrai bien-aimé, bia dada yangu, avec bienveillance, na moyo mwema, il fait tout, yako nafanya biote, pour notre bien, juu ya bizuri bietu, bien-aimé frère, naona nduku apendwa, biote bile mungu, nous exige, yako na tulomba, il l'exige, yako lazimisha, c'est pour notre bien, ya faida yetu, c'est pour notre bonheur, yetu. Oui, bien aimé frère. Et Christ, na Christo, ne nous force pas. Asitukaza pana, il nous demande tuomba, de nous soumettre à lui volontairement et avec joie. C'est vrai frère, ce n'est pas par contrainte, c'est par amour. Kwa upendo, il nous demande tulomba, de soumettre à lui kwa kwa par kye, amour. Kwa mapendo, voyez, unaona, il nous domine avec amour na tutawala na mapendo, et nous nous soumettons à lui na tunajitiisha par amour. Kwa mapendo, voyez bien mes frères, unaona, parce que c'est un mariage. Ye, ni ndoa, nous sommes dans un mariage ndoa, avec Dieu. Na Mungu, voyez, unaona, il nous aime, anatupenda, voyez, unaona, il nous domine anatutawala, avec amour. Na mapendo, et nous nous soumettons à lui par amour. Na mapendo, voyez bien mes frères, unaona, nous avons des relations de mapatano ya upole. C'est vrai frère, ya kweli nduku, il nous domine anatutawala, avec respect, na heshima. Oui bien mes frères, ndio nduku mpendwa, pour nous relever, kutuinua, pour nous édifier, kutujenga, pour nous donner la vie, kupatia uzima. C'est vrai frère, nduku, c'est vrai ma soeur, kweli dada yangu, il nous domine, anatutawala, c'est pour nous rendre kutufanya, tupate kwa waeri. C'est vrai frère, kweli nduku, c'est vrai ma soeur, kweli dada yangu, c'est Christ, ni Christo, qui nous rachète, anatukombola, pour nous rendre heureux, kutufanya kwa waeri. Il nous rachète, anatukombola, il nous domine, anatutawala, il nous rend heureux, anatufanya kwa waeri. Et la finalité, na mwisho ya yote, c'est la vie éternelle, uzima ya milele. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Bia kweli dada yangu. C'est ce que Christ fait. Ndio ile Kristo anafanya. Voilà pourquoi il nous demande. Bonne basi jua nina tulomba. Vous tous qui êtes chargés. Vous êtes bien kulemewa. Unachoka na bien kulemewa na mziko. Kujeni kwangu. Oui bien mes frères. Unaona mtu kwa pendo. Hata mangaribi ya leo. Kama unaisha kuchoka. Tu es fatigué. Na mambo ya dunia. Je, aux affaires de ce monde. Unachoka na nzambi. Tu es fatigué du péché. Voyez. Unaona. Unachoka na mambo ya mapepo chafu. Des démons. Yesu Christ. Jésus Christ. Et prêt ce soir pour te décharger. Il ne va pas te décharger de te laisser ainsi. Il va te décharger de parler du diable. Et il va te charger maintenant de son joug. Son joug d'amour. C'est vrai frère. Il y a quoi l'induku. C'est vrai ma soeur. Il y a quoi dada yangu. C'est ce que Christ fait. Jo kile Christ on attenda. Voilà la différence entre les deux. Non atanisho katika taile utawalo mbili. Satan. Shetani. Est un maître. Ye ni bwana. Dieu. Mungu naye. Ou Christ. Yola Christo. Est aussi le maître. Na ye ni bwana. Celui-ci. Uyu. Est un méchant. Ni muovu. Il domine. Aiko na tawala. Par méchanceté. Kwa uovu. Avec kwa ukali. Na ukali. Avec violence. Na ukaidi. Avec haine. Na chuki. C'est par mépris. Ni kwa kazarau. Unaona. Oui, c'est pour détruire, nous akuaribu, c'est conduire à la mort, na kupeleka kulupu, mais Christ lui, lakini Christo yeye, c'est par amour, anatawala na upendo, avec bonté, na wema, avec compassion, na huruma, voyez, avec douceur, na upole, avec bienveillance, na moyo mwema, avec respect, na heshima. Oui bien aimé frère, unaona ndugu mpendo, oui bien aimé sœur, unaona dada mpendo. Regardez quand quelqu'un de Jésus-Christ, wakati mtu, un homme ou une femme, mwanaume mwanamke, wakati anakuwa mkristo, maisha hii mwili, même dans la vie physique, anakuwa mtu wa heshima, il devient un honorable. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Mais observez. Lorsque quelqu'un reste esclave du diable, hata shetani, ana na huruma juu ya afya yake. C'est ça Satan. Yo ndio vile shetani yeko. Oui bien mes frères. Ndio ndugu mpendwa. Oui bien mes sœurs. Ndio dada mpendo. C'est pourquoi bale bako na kankamana. Ceux qui persistent. Kwa kia kupande ya shetani dans le camp du diable. Ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Oui bien mes frères. Ndio ndugu mpendwa. Oui bien aimé sœur. Dieu dada mpendwa. Si kama Jéhovah est descendu alishuka pour délivrer les enfants d'Israël, batoto Israeli, c'était uniquement par compassion, uruma, par amour, kwa upendo, les rendre libres, kwa kwa uru, les retourner na kubarudisha, dans le pays de la promesse, malako, pour que la bénédiction d'Abraham, baraka ya Ibrahim, continue ipate kuendelea, à se déverser sur eux, parce que la bénédiction d'Abraham n'avait pas de malédiction, haikuwa kena laana ndani yayo, et Dieu ne voulait pas, na Mungu asikupende, Israël demeure là-bas, Israël apate kudumu mule, c'est vrai frère, ndio kweli nduku, c'est vrai ma sœur, ndio kweli dada yangu, que Dieu kile Mungu anatenda. Il ne veut pas asipende que nous restions tubakilie sous la domination du méchant. Ya utawalo ya ule muovu. Non. Apana. Nous voulons tunapenda être sous la domination tupate kwa chini ya utawalo de notre Dieu. Ya Mungu wetu. Celui qui nous a aimé le ule premier. Yeye alitupendeka wa kwanza. Yeye mwenye kwa na huruma juu yetu. Qui nous traite avec douceur. Mwenye kututendea na upole. Unaona watu kwa pendo. Unaona dada mpendo. Qui nous traite avec amitié. Anatutendea na urafiki. Il nous respecte. Oui, bien aimé frère. Dio, il fait tout pour notre bonheur. Mais Satan fait tout pour notre malheur. Aussi longtemps yote, que nous demeurons esclaves de Satan, nous serons des malheureux. Ba mais quand nous acceptons d'être esclaves de Christ, il nous rendra heureux. Et nous donnera la vie éternelle. Oui, bien aimé frère. Dio, ndugu mpendwa. Dans Romains au chapitre 6. Ou à Roma sur la cita. Dans Romains au chapitre 6. Ou à Roma sur la cita. Dans son verset 16. Vous savez qu'il y a comme une cita. Écoutez ce que l'écriture dit. Ce qu'il disait, il en dit qu'on a sémant. Romains chapitre 6. Ou à Roma sur la cita. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce qu'on est une fata? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce qu'on a élevé à Mokitu? Nessa verset 16. Romains chapitre 6. Ou à Roma sur la cita. À partir du verset 16. Nous irons jusqu'au verset 23. Ne savez-vous pas? Et quand vous livrant à quelqu'un comme esclave, vous lui obéissez. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit au péché qui conduit à la mort. Soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Vous voyez? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, kwa Mungu, kwa hivi, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi Bulici, de cœur à la règle kwa moyo kukanuni, de la de doctrine ya mafundisho, dans laquelle vous avez été instruit. Ndani yayo mulifundishiwa, et y a été affranchi du péché. Vous êtes devenu esclave de la justice. Kwa sasa watumwa wa uwaki. Vous voyez, mnaona, nous quittons tunatoka sous la domination ya utawalo du diable ya shetani. Là où nous sommes esclaves du péché, nous venons sous la domination de Christ. Et là nous devenons esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes. À cause de la faiblesse de votre chair. En d'autres termes, je prends ces exemples de la chair, ces exemples d'hommes, c'est pour vous faire comprendre ce que je veux dire spirituellement. Vous voyez bien mes frères. Je prends ces exemples charnels que vous connaissez bien. Vous voyez, pour que vous compreniez spirituel. Je parle nasema, à la manière des hommes batu, à cause de la faiblesse de votre ya chair. Uzaifu, ya mwili yenu. Parce que vous n'écoutez pas. Vous voyez, vous avez une compréhension difficile. Vous voyez, alors sasa, je parle minanza kusema, à la manière des hommes. Ya bantu, lima nasemaka. Écoutez dans Pharaël. Musikilize mu Biblia ya Pharaël. Kama unasema muina muna. En utilisant la comparaison mkutumia mifano des esclaves ya batumwa et des maîtres na bwabwana. C'est pas elle est facile à comprendre. Njou hii iko mwepesi kuelewa. Vous voyez? Unaona? Tout comme vous étiez esclaves. Paka vile mlikuwa ka batumwa. Ces sont des péchés. Ya zambi. Vous devez maintenant devenir esclave de tout ce qui est juste. Masumo ya bile bote venye kwa bia haki na takatifu. Vous voyez, comprenez-vous pourquoi? Et munaelewa jua nini? Dieu a utilisé alitumia le terme msemo, esclave mutumwa, maître bwana. Si vous comprenez kama munaelewa les relations mapatano iko kati entre un esclave ya mutumwa et son maître na bwana wake, vous comprendrez mutaelewa vile vile les relations mapatano qui doivent exister ile napasha kuwako entre nous les enfants de Dieu ya Mungu, et notre Seigneur na bwana wetu. Vous voyez bien, mes frères. Parce que cet exemple, ce type, ipicha, est facile à comprendre. Même quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il sait qu'un esclave qui est dominé fait la volonté de son maître. Vous voyez bien, mes frères. Vous voyez bien, mes soeurs. Alors il continue. Maintenant, vous devez maintenant devenir esclave de tout ce qui est juste et saint. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous ne vous préoccupiez pas beaucoup de la droiture. Et quel en était le résultat? Manifestement, un résultat négatif. Vous voyez? Puisque la simple évocation de ce que vous aviez coutume de faire, vous remplit maintenant de honte. Vous voyez? Pour savoir que ce que vous faisiez autrefois, quand vous étiez païen, c'était des choses mauvaises. Le chien et la serpentine, que c'était des mauvaises choses aujourd'hui. Étant devenu enfant de Dieu, vous avez honte de faire les choses que vous faisiez autrefois. Tu t'es déshabillé devant tout homme, devant toute femme. Aujourd'hui, la parole de Dieu t'a donné de l'honneur. Les gens ne savent plus les couleurs de vos sous-vêtements. Les gens ne savent plus ce que vous avez dans le côté, dans le ventre. Les gens ne savent pas les cicatrices que vous avez. Et les gens en ont oublié. Dieu vous a honoré. Voyez-vous, aujourd'hui, qui a maintenant honte, il est difficile pour vous de poser les actes que vous faisiez autrefois et vous en réjouissez. Vous vous glorifiez dans ces péchés-là, mais aujourd'hui, vous en avez honte. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Voyez. Car tous ces actes aboutissent à la ruine éternelle. Mais maintenant, libérés du pouvoir du péché, vous êtes esclaves de Dieu. Et Dieu vous donne à empatia. Entre autres choses, la sainteté et la vie éternelle. Vous voyez, car les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez bien mes frères. C'est ce que Dieu a fait avec Israël. C'est ce que Dieu fait avec nous. C'est pourquoi, pour terminer, vous remarquerez que dans chaque relation que nous avons avec Dieu, ou qui nous lie à Dieu, nous lui devons toujours l'obéissance totale et la crainte. Nous, en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, régénérés, rachetés par le sang de Dieu lui-même, dans toutes nos relations qui nous lient avec Dieu, ce sont des relations qui nous lient dans une soumission totale. Nous devons nous soumettre à Dieu d'une manière totale. Notre obéissance est totale dans le respect et dans sa crainte. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Dieu, en tant que père, nous nous sommes ses enfants. Voyez bien mes frères. Les relations qui lient un fils à son père sont des relations d'obéissance et de respect. Vous voyez, Dieu, en tant que roi, le roi a des sujets. Si Dieu est roi, nous nous sommes ses sujets. Les relations qui nous lient entre nous et notre roi, na mfalme wetu, la soumission, ni utiifu, Les relations qu'il y a entre un maître et un seigneur avec son esclave, wake, ce sont des relations mapatano, de soumission, ya utifu, de respect ya ishima, et de crainte. Na ya oga, et notre Dieu, na Mungu wetu, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que notre maître, nous entendons que ces esclaves, yake, nous lui obéissons tuko na muti, totalement. Kabisa, kabisa, c'est vrai, frère. Notre Seigneur, notre Dieu, Mungu wetu, en tant qu'époux, sawa, bwana arusi, nous sommes son épouse. Tuko bibi arusi wake, les relations qui lient l'époux et l'épouse, na arusi wake, c'est les relations ni mapatano, de soumission, ya utifu, l'épouse bibi arusi, se soumet à son épouse. Kwa bwana arusi wake. Voyez bien, mes frères. Unaona wanduku wapendo. Nous lui devons la soumission utifu, et l'obéissance uti, totale utifu, en toutes choses. Si on n'est pas soumis kama watifu, et on n'est pas obéissant uti, en toutes choses à Dieu, yote, Mungu, les relations qui nous lient, vous voyez, unaona, que ce soit iwe, en tant que roi, sawa mfalme, en tant que père, sawa baba, en tant que seigneur, sawa buwana, en tant que fou, sawa buwana rusi, sont des relations ni mapatano, de soumission ya utifu, et d'obéissance. Na ya kuti. Quand vous obéissez, wakati unati, totalement à Dieu, kabisa, kabisa Mungu, vous faites sa volonté, unafanya mapenzi yake, vous ouvrez une brèche, unafungula kanjia, vous donnez une, vous donnez pale, vous donnez, vous ouvrez une brèche à Dieu, unamfungulia Mungu mlango, de venir vous bénir, yaye kuya kukubariki, vous donnez l'occasion à Dieu, unampatia bahati Mungu, de venir accomplir yaye kuya atimize dans votre vie, maisha yako, et en vous, na ndani yako, toutes les promesses, na malako yote, qui vous a fait. Il allait vous fanzia. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Voyez bien mes frères. Unaona dada mpendwa. Si vous ne le faites pas, kama utende vile, il n'y a rien que Dieu peut faire. Hakuna kitu kile Mungu anaweza kufanya. Dans la parole de Dieu. Ndani ya neno la Mungu. Si vous n'êtes pas obéissant, kama hauna mutifu, vous ne verrez jamais Dieu agir dans votre vie. Kenda maisha yako. C'est vrai, frère. Ni bakweli ndugu. Si vous n'êtes pas soumis, kama wewe una mutifu, à la parole de Dieu, neno la Mungu katika maneno yote, le surnaturel ya kiro, ne s'accompliront jamais kamwe, en vous, ndani yako. C'est vrai, frère. Ni bakweli ndugu. C'est vrai, ma soeur. Ni bakweli dada yangu. Mais c'est toi, lakini ni weye, et moi, na miye, qui devons accepter d'être esclaves de Christ. Ya Christo. Parce que lui nous domine anatutawala, dans notre intérêt. Nda, mufaida yetu, il ne nous fait pas esclaves. Asitufanye kwa batumwa, dans son intérêt. Mufaida yake. Non. Jésus Christ nous fait esclaves dans notre intérêt. Mufaida yetu, nous sommes ses esclaves batumwa yake, dans notre intérêt. Mufaida yetu, pourquoi? Jua nini? Nous gagnons chez lui unapatia mokwake, uzima. Nous gagnons chez lui unapatia mokwake, la sainteté. Nous gagnons chez lui la justice. Nous gagnons unapatia chez lui toutes les bénédictions, mabaraka yote, rédemptrice qui nous a acquis au bois du calvaire. Nous gagnons auprès de lui mokwake, la protection, ulinzi, la guérison. Matunzo. Voyez bien mes frères, tuko wapendwa. Il est tout pour nous. Yeye yeko yote, il est notre bouclier. Yeye ni ngabo yetu. C'est nous qui gagnons. Yeye ndio tunapatia mo auprès de Dieu. Kwa kimu kwa Mungu. C'est vrai, frère. Ndio kweli ndugu. Il est notre bouclier. Yeye ni ngabo yetu. Il est notre défenseur. Yeye ni wa kutukombania. C'est vrai, frère. Ndio kweli ndugu. Il est notre père. Yeye ni baba yetu. Il prend soin de nous. Yeye tunangaikia. C'est nous qui gagnons. Yeye ndio tunapatia mo. Tazameni kwa nini tunapenda kwa batumwa ba Kristo. Que Dieu vous bénisse. Mungu wetu amibariki. Qui a compris? Nani anaelewa? Lève-nous pour la prière. Oui, bien aimé frère. C'est le salut pour les gens qui souffrent. Ils doivent accepter volontairement de quitter Pharaon. C'est vrai. De quitter le diable. Et de se soumettre à Dieu. qui est notre rédempteur, l'homme qui nous a aimé le premier, qui a un amour éternel envers nous, qui nous veut la vie, qui nous veut le bonheur, qui nous veut la santé éternelle, qui nous veut la joie éternelle. Vous voyez bien mes frères, qui a compassion de nous. Quand nous souffrons, il a compassion de nous. Quand nous sommes malades, il a compassion de nous. Quand nous sommes haïs, il a compassion de nous. Nous voulons que lui soit notre maître. Prions. Seigneur, merci. Ces paroles sont toute la vérité. Nous comprenons que ce « nous »